Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, très heureux de vous retrouver et aujourd'hui dans cette émission, on va parler flûte puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir dans l'émission Gaspar Hoyos, flûte solo de l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine. Bonjour Gaspar. Bonjour Thierry, ça va? Oui, et donc on va présenter votre instrument, bien sûr, la flûte, on va en parler beaucoup, on va parler aussi de votre parcours. Il est assez original en soi. Et puis, comment vous avez découvert la musique classique et la flûte. Et puis, vous nous avez concocté un programme musical autour de la flûte, justement. On va voir les différents compositeurs qui se sont intéressés à cet instrument. Il y en a évidemment beaucoup, beaucoup. Alors, Gaspar, pour commencer, depuis combien d'années aujourd'hui êtes-vous membre de l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine? Eh bien, cela va faire 25 ans que j'y suis. Oui, on dirait pas parce qu'il est tout jeune, hein, il fait tout genou, hein, mais bon. Oui, voilà, j'ai intégré l'orchestre en 1999. Oui. Voilà, siècle dernier. D'accord. Et donc, vous êtes colombien? Oui, j'ai grandi à Bogota. Bogota, capitale de la Colombie. Mm-hmm. Et comment avez-vous découvert la flûte? Alors la flûte, elle est venue, j'étais dans un lycée qui était dirigé par un monsieur suisse. Mm-hmm. Qui donnait beaucoup d'importance à la mathématique, à la philosophie et à la musique. Lui-même avait, il jouait du piano, il avait fait des études de théologie, etc. Donc, il nous a inculqué cet amour pour la culture, pour la mathématique, cette curiosité de la vie, et il offrait des cours d'instruments dans son lycée. Donc, à ce moment-là, j'avais 14 ans, et j'ai dit à mon meilleur pote à l'époque que ce serait chouette qu'on commence des études de violon. D'accord. Et du coup, il m'a dit « Non, le violon, c'est nul. » Ah bon? Oui. C'est difficile, c'est vrai. Il m'a dit « Il faut faire de la flûte. » Mais la flûte aussi, c'est difficile. C'est difficile. Et donc, j'ai appelé mon père. J'ai dit « D'accord. » J'ai appelé mon père. J'ai dit « Je veux faire des études de flûte. » Et il est parti dans la ville chercher une flûte, un instrument. Il faut savoir que fin des années... milieu des années 80, à Bogota, c'était une autre époque. C'était extrêmement difficile de trouver d'instruments, des partitions, des disques. Mais je ne sais pas comment il a fait. Il a réussi. Et il s'est pointé le week-end d'après avec une flûte. Et ça a été le début donc, de cette passion. Trois ans après, vous jouiez, je crois, avec un orchestre. Hein. Vous donniez un récital. Trois ans après, j'ai joué l'intégrale des sonates de Jean-Sébastien Bach. Incroyable. Voilà. Pour moi, c'était tout naturel, mais c'est vrai que... Vu aujourd'hui, c'est vrai que c'est... C'est ce qui nous stupéfait chez les virtuoses, c'est leur capacité à aller très très vite là où d'autres mettent des années pour progresser. C'est vrai. Et d'un autre côté, il y avait beaucoup de travail de ma part. Je me souviens que... On en parlait l'autre fois, que ma mère, au lieu de me dire « Bon, maintenant, il faut travailler », elle me disait « Tu veux pas arrêter de travailler un petit peu ?» Oui, bah, c'est sûr, il y a du travail derrière tout. Il n'y a pas tout seul, évidemment, il faut le préciser quand même. Hein. Allez, on va écouter un premier extrait. C'est vous-même, l'un disque que vous avez enregistré autour de ces fameuses sonates pour flûte et clavecin de Jean-Sébastien Bach. Un disque paru d'ailleurs chez sous label Gallo, c'est ça? Un disque remarquable, avec un équilibre au niveau de l'enregistrement exceptionnel entre la flûte et le clavecin, c'est pas toujours le cas. Et donc un disque, vous avez choisi quelques-unes des sonates, parce qu'elles n'y sont pas toutes, hein, je crois. Elles n'y sont pas toutes, parce qu'après, les musicologues se sont penchés sur le sujet, et ils ont décidé que certaines des sonates attribuées à Jean-Sébastien Bach étaient plutôt écrites par son fils Carl-Philippe Emmanuel. D'accord, qui s'est beaucoup intéressé à la flûte aussi. Aussi. Allez, voici le deuxième mouvement de la sonate BWV 1034 pour flûte et clavecin de Bach avec à la flûte Gaspar Hoyos et au clavecin Jiří Vinicourt. Thank you. Ah, bravo, hein, Gaspard. Gaspard Hoyos, mon invité d'aujourd'hui, flûtiste que l'on écoutait avec Jiří Vinicourt au clavecin dans un extrait de la sonate BWV 1034 de Jean-Sébastien Bach. Bach, Vivaldi, tout ce 18e siècle, c'est quand même plus ou moins l'âge d'or de la flûte, non, Gaspard? Oui, effectivement. Les grands compositeurs de l'époque s'étaient intéressés beaucoup à la flûte et on a beaucoup, beaucoup de répertoires. Et il faut savoir qu'il y a un grand monsieur de la flûte qui a participé à la renaissance de ce répertoire, c'est Jean-Pierre Rampal. Mmh, on va écouter dans un instant. Voilà. À qui on doit à Jean-Pierre Rampal la renaissance de la flûte aussi en tant qu'instrument soliste, sous les projecteurs, instrument capable d'une grande expression. Mmh. Et il faut dire aux auditeurs qu'il a fait un travail énorme de bibliothécaire. Il est allé partout. Mmh. C'était une autre époque aussi. Il n'y avait pas Internet et tout ça. Il allait dans les bibliothèques et il regardait partout. Et il a ressorti les œuvres de Bach, les concertos de Vivaldi, ainsi que plein d'autres choses. C'est vrai que c'est le premier flûtiste qui a été très médiatisé, parce qu'on le voyait dans les émissions de Jacques Chancel, Le Grand Échiquier, des émissions de télévision, presque aussi médiatisé qu'aujourd'hui le sont les frères Capuçon, par exemple. Hein. Tout à fait. Il passait beaucoup dans les médias. Et bon, on parlait de cette époque privilégiée qui était le XVIIIe siècle. Et pourtant, en XIXe siècle, la flûte va considérablement évoluer sur le plan technique avec Théobald de Böhm. Mm-hmm. Alors, comment se fait-il qu'après cette évolution, cet apport de Böhm, le changement de clé, etc., comment se fait-il que les compositeurs romantiques se soient si peu intéressés à la flûte, on ne sait pas. Il faut dire qu'ils se sont intéressés parfois pour colorer les œuvres symphoniques, mais il faut dire qu'après la révolution technique de M. Böhm, qui a lieu en 1832, la flûte, elle reste en bois et elle reste conique. C'est-à-dire qu'elle a une sonorité encore très douce. Mmh. Et ce n'est qu'après qu'on commence à imaginer une flûte cylindrique en argent. Et là, on va parler tout à l'heure, parce que là, il y a un très grand nom de la facture de la flûte, qui est Louis Lott, qui va entrer en jeu. Et après, la flûte, elle devient plus puissante et beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus expressive. Alors, on va écouter Vivaldi par, justement, Jean-Pierre Rampal, qui est un peu votre idole, on peut le dire, hein, quand oui, même. Hein. Oui, oui. Jean-Pierre Rampal. Alors, évidemment, c'est, comme vous l'avez dit, c'est lui qui a exhumé ses œuvres de Vivaldi, ses concertos pour flûte. Et pour autant, on sait bien que n'a pas entendu ses concertos joués tels qu'on va l'entendre maintenant par Jean-Pierre Rampal, puisque l'instrument n'était pas du tout le même. Jean-Pierre Rampal jouait sur une flûte moderne. Le voici, donc, avec I Solisti Veneti dans un concerto pour flûte de Vivaldi. Dire Yom 437, le final. Thank you. Le mouvement final du concerto pour flûte Rium 437 de Vivaldi, le numéro 6 avec Jean-Pierre Rampal à la flûte et Isolisti Venetti. La grande époque Rampal, hein, Gaspar Ullós, hein, ah vraiment. Oui, c'est incroyable. Incroyable ce son. Et ouais. C'est un disque qui a eu un succès, mais alors considérable. Hein. Ah oui, mais on le trouve encore dans toutes les brocantes. Il y a toujours un exemplaire du 33 tours, on dit, c'est ça ? Oui, 33 tours. De Vivaldi avec Claudio Simone et Isolisti Venetti. Oui, et puis ça a été utilisé au cinéma. Je me souviens dans le film Les choses de la vie, Michel Piccoli écoute ses concertos de Vivaldi par Rampal dans sa voiture avant son accident. Et ça, c'est un film qui était sorti à peu près peu de temps après la sortie de l'album. Et c'était la grande époque de la redécouverte vivaldienne. Alors Mozart maintenant, Mozart, vous le jouez parfois, Gaspard, vous qui êtes, je le rappelle, flûte solo de l'orchestre de l'Opéra National de Lorraine. Est-ce qu'il vous arrive de jouer ces concertos de Mozart? Il en a écrit 2 plus 1 pour flûte et harpe. Est-ce que vous les avez joués en concert? Oui, je les ai joués pas mal de fois, surtout celui en ré majeur, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et un sol majeur aussi. Ils ont une histoire intéressante, ces concertos, parce qu'ils ont été commandes d'un flûtiste amateur. Mm-hmm. Il avait passé commande à Mozart de 4 ou 5 concertos pour flûte et orchestre, ainsi que pas mal de quatuors pour flûte et cordes. Et Mozart, apparemment, il n'appréciait pas beaucoup le niveau de ce monsieur. Donc il était très en retard avec la commande. Il a écrit un concerto pour flûte, donc celui qu'on va écouter. Et il était tellement en retard qu'il a repris son concerto pour hautbois, qui était un ut majeur, et il l'a réécrit à la flûte, un ré majeur, un ton au-dessus. Il s'est pointé avec ça, il a été mal payé, et c'est là... Il n'a pas été payé du tout, même, je crois. Voilà. Et c'est là qu'il écrit à son papa, dans une lettre, qu'il n'aime pas la flûte. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même des problèmes de justesse à l'époque, au niveau des flûtes ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est que malheureusement, on attribue également à Mozart la phrase « qu'est-ce qu'il y a de plus faux qu'une flûte ?» Deux flûtes, ouais. Ils jouent ensemble. Effectivement, il y avait beaucoup de problèmes de justesse à cette époque-là de l'instrument. Donc on va écouter quand même Mozart, parce que ses concertos sont vraiment parmi les plus beaux de votre répertoire, j'imagine. Tout à fait. Vous avez choisi le concerto pour flûte numéro 1. On va retrouver Jean-Pierre Rampal. Il y a beaucoup, beaucoup de versions de ce concerto pour flûte. Vous aimeriez l'enregistrer, vous, Gaspard ? Honnêtement, non, parce que je trouve que tout a été dit sur ces concertos. Ça a été enregistré des centaines de fois et tout a été dit. Je n'aurais rien à apporter à ce répertoire de nouveau. D'accord. Bon, on va écouter le final, Rondo, joué par toujours Jean-Pierre Rampal et puis l'orchestre de chambre Jean-François Paillard, dirigé par Jean-François Paillard lui-même. Ça, c'est encore la grande époque Erato des années 60-70, hein, des ensembles qui ont énormément fait pour la redécouverte du répertoire baroque. Oui. Et classique, bien sûr. Thank you.

Final rondo du premier concerto pour flûte que chez le 313 de Mozart. Alors je l'avais annoncé avec Jean-Pierre Rampal à la flûte, ça c'est bon, mais c'était l'orchestre symphonique de Vienne dirigé par Theodor Güchelbauer et non pas l'orchestre de Jean-François Paillard. En tout cas, c'est bien le choix de mon invité d'aujourd'hui, Gaspard Hoyos, flûte solo de l'Orchestre National de l'Opéra de Lorraine. L'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine, voilà, donc ça, dans le bon sens. Donc Gaspard, donc un concerto, vous l'avez dit, qui compte beaucoup pour vous. On a parlé tout à l'heure en début d'émission de... que vous étiez né en Colombie, que c'était difficile à l'époque où vous avez commencé l'étude de la musique, de trouver des disques, des partitions. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation de la musique classique s'est améliorée dans votre pays d'origine ? Oui, considérablement. En fait, il y a toute une génération que j'avais eue lors de mes classes de maître dans les années 90. Donc, c'était des jeunes à l'époque. Par exemple, je parle de la flûte, c'est notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont grandis, ils ont des postes dans des orchestres, d'orchestres qui n'existaient pas à l'époque. Ouais. Donc, il y a plus d'orchestres, il y a plus de maîtres aussi, des professeurs, ouais. Plus d'élèves. Et il y a aussi une émulation du système vénézuélien. Il oui. faudrait expliquer ce que Colombie. C'est un système éducatif, c'est ça ? Voilà, un système éducatif qui propose la culture oui, une culture pour musicale. Remplacer la misère. Oui. pour donner un rêve, des paillettes, un rêve aux jeunes. Et ça marche très bien. Mmh. On a notamment des systèmes à Bogota et à Medellín, une ville très culturelle, Medellín. Ouais. Donc, oui, une façon de développer la musique classique et de l'apporter à ceux qui ne la connaissent pas, puisque dans les voilà. quartiers les plus pauvres, évidemment, on ne connaît pas cette musique. On va écouter encore un concerto pour flûte. La flûte a été vraiment un instrument concertant. Beaucoup de concertos destinés à la flûte. Et là, on va écouter Saverio Mercadante. Vous avez choisi de présenter ce concerto qui se termine par un rondo à la russe. Alors, Mercadante, il est né en 1795, il est mort en 1870. Alors, ça va nous faire un peu mentir quand on disait tout à l'heure que les romantiques se sont peu intéressés à la flûte, parce que lui, c'est vraiment un romantique, pour le coup, compositeur d'opéra. Oui. Et oui. Ce concerto, c'est vraiment un concerto particulièrement difficile. Il est techniquement difficile, effectivement. Mm-hmm. Je ne connais pas très bien l'histoire. Il l'a peut-être écrit pour un virtuoso, un ami à lui. Oui, c'est souvent le cas. Chose. Il y a eu pas mal de flûtistes italiens très virtuoses, techniquement. Et dans l'époque romantique, on a aussi beaucoup d'œuvres mineures, pour ainsi dire. Pour flûte et piano, c'est des fantaisies d'opéra, par exemple. Mais on n'a pas d'œuvres des compositeurs romantiques, par exemple. Des sonates de Brahms, on n'a pas. Oui. Schumann, on a été volé les romances pour au bois. Voilà. Les compositeurs célèbres du romantisme ne se sont pas beaucoup intéressés à la flûte. Alors, Gaspard, est-ce que vous pratiquez souvent la musique de chambre ? La musique des chambres, oui. Nous avions... un ensemble de musique des chambres 20e et 21e siècle. À l'opéra, nous faisons des concerts, c'était le samedi matin, c'était le dimanche matin, je ne sais oui, plus. Oui, les concerts apéritifs. Ce concert apéritif, ça vous a pris un autre nom maintenant, mais c'est une grande opportunité de faire de la musique des chambres avec les collègues. Je crois que ça s'appelle Salon des Artistes maintenant. Salon des Artistes, voilà. voilà. En tout cas, l'apéritif après, il existe encore. Ah bah tant mieux. Voilà, donc on fait de la musique des chambres à l'opéra. Et puis, bien souvent, dans des voyages à l'étranger, on fait de la musique des chambres avec des collègues d'autres pays, notamment quatuor, flûte et trio à cordes. Et j'ai fait de la musique des chambres, flûte et piano également, ouais. beaucoup. Donc, et flûte et harpe avec une harpiste japonaise qui habite Paris. D'accord, et d'ailleurs, vous allez partir pour le Japon très prochainement donner des concerts, très prochainement, je crois. Oui. Voilà. Je vais fêter mon anniversaire là-bas. et on va faire pas mal de concerts. Je vais faire des classes de maître. Et puis aussi un concert avec trois flûtistes et un pianiste. D'accord. Ben, on va écouter non pas de la flûte et harpe, mais le concerto pour flûte de Saverio Mercadante, le rondo à la russe. Peut-être que nos auditeurs vont reconnaître parce que ça a été utilisé autrefois dans une marque de la nourriture pour chat, dans une publicité. Thank you. Finale rondo du concerto pour flûte de Saverio Mercadante avec Jean-Pierre Rampal et Isolisti Venetti, le choix de mon invité Gaspard Ullós. Et Rampal est vraiment très très présent dans cette émission, on sent que c'est vraiment votre idole. Vous avez envie de l'écouter dans Syrinx de Debussy, c'est une pièce pour flûte seule, une des rares d'ailleurs composées pour flûte seule par les musiciens français, non, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. Et l'origine, c'est on lui a demandé la pièce pour la musique, pour une pièce de théâtre. Et c'est ce qu'il a écrit. C'est un morceau pour flûte seule, Syrinx, qui raconte un peu l'histoire de deux nymphes qui écoutent comme un Pan, le dieu Pan, il joue de la flûte au loin. Et très, très poétique. Et voilà qu'on est en plein dans la renaissance de la flûte après le baroque. Donc on passe par le classicisme, on vient d'écouter Mozart, le romantisme Mercadante. Mais à cette époque-là, et justement, on reparle de M. Böhm qui a révolutionné la facture instrumentale de la flûte, du facteur Louis Loth, établi à Paris. Oui, qui a encore amélioré l'instrument. Voilà, qui a encore amélioré, qui a fait les flûtes en argent. Et on commence à rencontrer des grands solistes, grands flûtistes comme Paul Tafanel et Philippe Gobert, et les compositeurs célèbre se réintéresse à la flûte. Et c'est le cas de Claude Debussy et de Maurice Ravel. Donc voilà, une œuvre pour flûte seule d'un grand compositeur, Claude Debussy, jouée sur une flûte Louis Loth, la seule flûte en or que M. Louis Loth ait fabriquée. Bon, écoutez, donc ce Syrinx, il faut préciser d'ailleurs que depuis, à partir du prélude de l'après-midi d'un faune, où la flûte, un grand solo, bien la flûte va devenir le symbole de la musique française. Voici encore ce Syrinx de Debussy. Voici Syrinx de Debussy, joué à nouveau par Jean-Pierre Rampal. On retrouve à nouveau Jean-Pierre Rampal. Thank you. C'était Syrinx, pièce pour flûte seule de Claude Debussy, interprété par le grand, l'immense Jean-Pierre Rampal, n'est-ce pas, Gaspard, hein? Allez, on va continuer avec Ravel, parce que vous avez choisi Daphnis et Chloé. Il y a évidemment un solo de flûte absolument redoutable, d'une difficulté redoutable, je pense, hein, qui est très souvent demandé lors des concours d'orchestre. Est-ce qu'on vous a demandé le solo de Daphnis lorsque vous avez postulé pour entrer à l'orchestre de l'Opéra National de Lorraine? Oui. Oui, oui, il y est toujours. Il y est toujours. C'est un solo magnifique et où l'on peut comprendre très bien la façon de jouer de quelqu'un en écoutant ce solo. Oui. Voilà. Puis Ravel, un orchestrateur incroyable. C'est vraiment un régal de jouer la musique de Ravel et de Claude Debussy à l'orchestre, vraiment. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on écoute le solo qu'on va écouter maintenant, enfin le solo, la partie qu'on va écouter maintenant, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule flûte, mais en fait, il y a plusieurs flûtes qui jouent en même temps et qui s'enchaînent les unes aux autres. Hein. Oui, c'est ce que mon prof avait appelé la super flûte inventée par Maurice Ravel, encore une fois, orchestrateur incroyable. Mm-hmm. Donc, on va l'entendre ici. Vers la fin, il y a une grande gamme qui descend. Ouais. Et ça commence par le piccolo, la petite flûte. Ouais. Ça passe par donc deux flûtes en ut, les flûtes qu'on connaît. Et ça finit par la flûte en sol. Donc ça fait une immense flûte. Qui est très peu utilisée, la flûte en sol. Très peu. Et c'est un instrument que j'aime beaucoup. Mais bon, quand l'orchestration devient trop dense, on ne l'entend plus. Mmh. On l'entend aussi dans le Sacre du printemps de Stravinsky. Oui. Donc on va écouter ce solo. Avant, je voulais revenir pour préciser une chose. Vous avez parlé tout à l'heure de flûte en or de Jean-Pierre Rampal. Est-ce que la sonorité est différente d'une flûte en argent? Alors, non. Non. Il n'y a que le prix qui varie, quoi. Il y a le prix qui varie énormément. Oui, bien sûr. Et il y a le paraître, l'impression qu'on donne. Je pense que les gens, ils pensent, quand ils voient une flûte en or, on a l'impression que c'est la Rolls-Royce qui joue mieux. Oui. Allez, on écoute Ravel. Un extrait de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel avec la flûte de Michel Debost, grand flûtiste, et l'orchestre de Paris direction Jean Martinon. Gaspard Hoyos, je le rappelle, vous êtes flûte solo de l'orchestre de l'Opéra National de Lorraine. Quand on programme Daphnis et Chloé, ça vous donne des sueurs froides quelques mois avant ou pas? C'est difficile, hein? Pas des sueurs froides, mais on est content. Vous êtes content? Vraiment, C'est vraiment très chouette de jouer ça. Il y a une préparation importante en amont, oui. Bien sûr. Mais tout à l'heure, je vous ai demandé si vous faisiez de la musique de chambre. C'est vrai que les instrumentistes à cordes, souvent, parce qu'ils sont pris dans la masse, ont tendance à faire beaucoup de musique de chambre. Mais vous, il faut le rappeler quand même, flûte solo, vous êtes très, très exposé dans l'orchestre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tout d'un coup, on est soliste. Ben voilà. Soliste au milieu de l'orchestre. Mmh. Et, c'est des moments très... très intense. Le métier d'orchestre est intéressant et l'un des plus complexes, en fait, parce qu'il faut tout le temps essayer de jouer en place, de jouer juste. Et en même temps, quand on est soliste dans l'orchestre, il ne faut pas oublier cette expression, cette joie, ces sentiments qu'on veut partager avec l'auditeur, avec le public. Bien, bah bien sûr. Alors, on va vous retrouver en musique de chambre avec Hugues Leclerc, qu'on connaît bien, l'animateur, le fondateur des Nancyphonies à Nancy. Vous avez enregistré la sonate de Poulenc. Alors, ça aussi, c'est une œuvre assez étonnante, parce qu'on est évidemment en 1957 lorsqu'il compose cette sonate. Et pourtant, on est loin de la musique sérielle, de la musique atonale. Enfin, c'est quelque chose d'assez classique. C'est ce qui vous plaît dans cette œuvre? Ça me plaît. Poulenc, c'est un compositeur qui me plaît énormément. Il a su rester dans ce monde. Et dès qu'on entend trois notes, on sait que c'est Poulenc. Oui, c'est vrai. Et il y a cet aspect merveilleux qu'il a trouvé, c'est justement dans le titre de ce mouvement, par exemple, Allegro Malinconico, une joie mélancolique. Mmh. Et il trouve ça beaucoup dans toutes ses œuvres, dans ses chansons, partout où on entend cette joie mélancolique. Premier mouvement, Allegro Malinconico, de la sonate pour flûte et piano de Francis Poulenc, avec Gaspard Hoyos à la flûte, mon invité, et Hugues Leclerc au piano. Gaspard, quels sont vos projets? On a dit tout à l'heure que vous alliez partir donner quelques concerts au Japon, et puis... Voilà, et puis l'été approche, donc c'est les stages d'été, je vais faire un stage à Lozère. Des projets d'aller donner aussi des classes de maître en Colombie. Ouais. Voilà, il y a un côté, comme on disait l'autre jour, il y a un côté pédagogique aussi que je développe assez fortement actuellement. Donc, je suis assez demandé de par le monde pour donner des cours d'ateliers sur la technique purement instrumentale. Et puis, on va rappeler aussi que sur Facebook, vous avez des vidéos qui sont diffusées. Des vidéos, puis je publie des exercices pour flûte qui ont rencontré un grand succès, voilà, à mon étonnement. Mais bon, ça intéresse encore beaucoup les gens. Allez, on a le temps d'écouter un peu du concerto pour flûte de Khatchaturian. Je sais que c'est une œuvre qui vous est chère, alors ça aurait été dommage de ne pas en passer à tout petit bout. Khatchaturian, concerto pour flûte, toujours Jean-Pierre Rampal. Thank you. C'était un extrait du concerto pour flûte de Dharam Khachaturian, transcription d'un concerto pour violon, avec Jean-Pierre Rampal à la flûte et l'orchestre national dirigé par Jean Martinon. Merci beaucoup, Gaspard Ullioz, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Et puis donc, on aura bien sûr l'occasion de vous retrouver, certainement la saison prochaine, pourquoi pas. Bien sûr. Allez, merci et à très très bientôt. Bon dimanche à toutes et à tous et on se retrouve donc la semaine prochaine à partir de 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Thank you.